Don't tumble, huh? I'm a cowboy. God bless you. And don't forget Mama you. Mama, oh, Bobby, be joy. Mama, oh, Bobby, be joy. Mama, oh, Bobby, be joy. Mama, oh, Bobby, be joy. Bobby. Mama, oh, Bobby, be joy. Mama, oh, Bobby, be joy. Mama, oh, Bobby, be joy. Mama, oh, Bobby, be joy. Bobby. Jamais Marcel de JPS, merci. Mon amour, mi maman, on a volé du nom de Aninou Mama, du Wendy, oh mon bon, on a dit Mon amour, mi maman, on a volé du nom de Aninou Mama, du Wendy, oh mon bon, on a Wande. Atou, maman, oh, pour me bénir, maman, oh, pour me bénir. Mama oh, for me be joy. Mama oh, for me be joy. For me. Oti dia pa munda ko ba bologi. Eya begila eya dambe amoe. Oti dia pa munda ko ba bologi. Eya begila eya dambe amoe. Digila budue. Chododo sport, il y a de l'ambiance. Conditionnez les ponts. Bernadette et Raymond Kalakwango, je vous souhaite un bon mariage. Merci. Ah mama oh, na papa partant de Nikaï na wae oh, na papa partant de Nikaï la ba partant de Nikaï, na papa partant de Nikaï na wae oh. Papa tande ni kae na wae oh, papa tande ni kae la ngwe yamba. Papa tande ni kae na wae oh, papa tande ni kae la ngwa. Na banga nu mumie ya beka ge wana jomo kweda ikwale nga mumi mene nuna segi no miyango he. Na banga nu mumie ya Mo peda iguale da mumi menen una segi no mi aboe popo popoe popo popoe popo. Ai tu kopote na bangande mo kene ni amu mi pone na la ya bla bombe tu kwezi naka ababa o na papa batande ni kae na wae oh na papa batande ni kae la mwa. Papa tande ni kae na wae oh, papa tande ni kae la mwa. Ando lebe ni bato pone bayane. Ama ma o, papa tande ni kae na wae oh, papa tande ni kae la mwa. Tande ni kae, papa tande ni kae na wae oh, papa tande ni kae la mwa. Basi Christophe Pierre. Comment te portes-tu là-bas à Paris? Na banga nu mumie avec un ewana jomo peda ikwale nga mumi menenu na segi no miyaboe. Na banga nu mumie avec un ewana jomo peda ikwale nga mumi menenu na segi no miyaboe. Oh oh oh oh eh oh oh oh oh eh. Le Yeah.